17. L'homme resta béant, et, sans cri, sans prière et sans souffle, il tomba, les deux mains en arrière, comme s'il eût été poussé par la clarté. Je sentis tressaillir l'obscure éternité. Et, comme je fuyais, dans la nuée ardente, une face apparut et me cria « Mon Dante, prends ce pape qui fit le mal et non le bien. Mets-le dans ton enfer. Je le mets dans le mien. » Fin du poème 54 intitulé « La vision de Dante ».